Hein? Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est Monsieur Ousmane. Oui, c'est Monsieur Ousmane, pasteur. Oui, ici le frère Oui, Junior. on t'aime. Bon, s'il vous plaît, pasteur, excusez-moi pour le dérangement. C'est Non, juste vous ne me que... dérangez pas, Monsieur Ousmane. C'est pour ça que j'ai dit à mon épouse que je vais moi-même vous appeler. Et je vous ai appelé hier soir, vous n'étiez pas là. Oui, effectivement. Bon, j'ai suivi votre conférence dans la sur Internet, donc à propos d'Abdou Oui. Magid. Et donc, il y a un verset biblique dont je ne veux pas faire le débat avec vous. Je voulais juste que vous m'expliquiez vraiment ce que le verset là veut dire. Oui. Donc, quand Jésus avait choisi ses 12 apôtres, il a dit à ses 12 apôtres d'aller chez les païens, Oui. d'entrer chez les Samaritains et n'aller pas vers les... Il a dit n'allez pas chez les païens. Oui, et n'entrez pas chez les Samaritains. Voilà ce que vous Et... avez écrit dans Matthieu, chapitre 10. Oui. Et l'autre, c'est seulement deux questions. Et l'autre, là, il dit dans la Bible que je n'ai été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. Donc, je voulais vraiment que vous m'expliquiez vraiment ce qu'il veut dire. C'est juste une information. Ok, merci beaucoup. D'abord, Ok, pasteur. c'est un endroit où je peux bien parler sans qu'il y ait des bruits. Non, oui, je suis là où il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, merci déjà pour l'intérêt que vous avez. Merci. Mais souvenez-vous que ce que je tente de faire par rapport à ce que vous avez suivi sur Internet, c'est pour la vérité, pour que les gens comprennent la vérité. Et quand est-ce que les gens comprennent la vérité, maintenant, chacun prend le camp qu'il veut pour la vérité. D'accord, mon cher Ousmane? Oui, c'est la vérité, parce que Donc, c'est effectivement. nous ne sommes pas là, ce n'est pas la personne comment s'appelle, de Majid ne m'intéresse pas, lui, là, en tant que personne. Donc, ce que je Oui, fais, c'est oui. par rapport à ce qu'il a dit. Donc, ça ne Oui. m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas la guerre contre lui, ni contre l'islam. Oui. Voilà. Oui. Donc, Okay. dans Matthieu, chapitre 5, 10, donc, dans le livre de Oui. Matthieu, au chapitre 10, la Bible déclare, si vous voulez, je peux vous lire, la Bible déclare, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui. Apprenons le nom. Et après, il va dire, au verset 5, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas Les dans les villes des Samaritains. Samaritains, Verset c'est 10. ça. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison Donc, d'Israël. l'Israël. Voilà. Donc, voici donc la base que l'islam prend ça pour enseigner en disant que Jésus avait une mission limitée dans le territoire d'Israël. Oui. Mais maintenant, s'il arrive que vous avez déjà lu la Bible, vous allez voir effectivement que le dernier chapitre, vous avez la Bible avec vous. Non, j'ai ça en bas, mais je suis juste en haut. Ok, bon. Donc, Vous avez quand même un bic, par exemple, pour noter ce qui vous donne un verset. Après, vous allez vérifier. oui, effectivement, puisque je vous ai appelé pour bien retenir ça, pasteur. Voilà, ok. Donc nous sommes. Je viens de lire la Matthieu, chapitre. Je viens de lire la Matthieu, chapitre 10. À la fin du chapitre de ce même Matthieu, quand Jésus va finir son ministère, Oui. au chapitre 28, il va Oui. dire, à partir du verset 16, la Bible dit. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand Oui. il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est chapitre Matthieu, chapitre ou quoi? Chapitre 28. Verset 16 Oui. à 20. Oui, ok. Voilà. Voilà. J'ai Maintenant, noté. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Lorsque nous lisons donc ça, nous voyons effectivement une première chose. Comme j'ai dit, l'enseignement que j'ai mis sur YouTube, comme vous dites là, c'est en quatre, je crois, c'est trois exemplaires. Si vous avez le temps dessus, vous allez voir que j'ai bien développé là-bas. J'ai parlé de la double mission de Jésus. La double mission de Jésus. Voici ce que Dieu a prévu dans le plan de Jésus. Si vous lisez, et tout à l'heure, on va aller là-bas, on va lire. Si vous comprenez le plan de Dieu dans ce que Dieu devait faire premièrement, vous allez remarquer que Jésus devait d'abord rétablir, parce que la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Dieu a donné d'abord la loi à Israël, et par la loi que Dieu a donnée à Israël, il voulait montrer au monde entier que il y a un Dieu qui va juger les vivants et les morts. Effectivement. Donc Jésus est venu donc premièrement comme messager pour Israël pour leur donner le témoignage de la véracité de Donc, tout ce qu'il a raconté. premièrement, oui. Voilà. Maintenant, dans cet accomplissement de sa mission, il était question que les Juifs le rejettent. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est le rejet d'Israël qui devait faire en sorte que ça fait on pas annoncer dans l'évangile à autre personne. Tu comprends, mais n'est-ce pas? Ok. Voilà, maintenant, dans ce Matthieu 10, donc, on a cité les gens que Jésus a envoyés pour prêcher chez les Israéliens. Oui. Mais maintenant, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, on va voir effectivement que l'apôtre Pierre sera en train de jeûner quelque part, il sera sur un toiture. Après, il a eu une vision où il y avait des animaux qui sont descendus du ciel. Il dit à celui de 10. Et une voix lui dit que tue ça et mange. Il a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Après, la voix va lui dire comme ça que ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas considérer ça comme impur. Il dit, après cela, ça a été retiré dans le ciel, dans la vision. Pendant qu'il méditait sur ce qui arrive, parce qu'il ne comprenait pas ce que ça veut dire. En tant que juif, il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Comment il veut manger quelque chose d'impur alors que la loi de Moïse ne mange pas quelque chose d'impur. Alors, pendant qu'il méditait, donc, trois personnes sont venues à la maison pour dire que est-ce que c'est Pierre ici? On a dit oui, il est là. La Bible déclare que l'Esprit lui a dit que lève-toi, pas avec ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Il va donc le lendemain aller chez un homme qu'on appelle Cornet. Cornet, c'est un Italien. Cornet, oui. Donc, oui. Je vais lire maintenant à partir d'un certain verset lorsqu'il va arriver chez Cornet. Pour que tu comprennes un peu cela, d'accord, mon cher? Oui, parfait. Voilà. Au chapitre 10, donc, c'est parce que c'est long que j'ai essayé de raconter l'histoire pour arriver rapidement. Okay. Oui. Voilà. Je lis donc, je suis dans Actes chapitre 10 à partir du verset 25. La Bible déclare, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28 dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc nous voyons effectivement que Pierre savait effectivement dans la loi juive qu'il ne devait pas aller chez les gens des nations. Oui, effectivement. Mais il a eu une recommandation de Dieu pour aller chez les païens. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et c'est ça qui embrouille encore dans la religion musulmane comme ça. Tu comprends un peu, n'est-ce pas, mon frère? Oui, je comprends. Voilà. Donc, je continue à lire ici. La Bible déclare donc que c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire à 15h, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyé près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. Maintenant, la Bible dit, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais en toute nation, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Tu as vu, n'est-ce pas? Donc, Pierre qui marchait avec Jésus, et à qui il était l'une des personnes de Matthieu chapitre 10, où Jésus a demandé de ne pas aller chez les Israéliens, de ne pas aller chez les païens, le voici chez les non-juifs. Donc, tu vois que, premièrement, il y a une mission qu'il devait aller seulement sur le territoire juif. Donc, il n'a pas compris le sens de ce que ça veut dire. Donc, il n'a pas en déduit le verset. Voilà. En fait, voilà, c'est pas, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'on lise la Bible dans la totalité. On ne doit pas prendre un verset pour couper sur place. On ne coupe pas un verset parce qu'il a coupé seulement un verset. Voilà, maintenant, je prends un exemple simple, n'est-ce pas? Oui. Si tu lis Matthieu chapitre 10 là, tu vas remarquer que Jésus a dit que n'entre pas chez les païens et n'allez pas chez les samaritains, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans Jean chapitre 4, Jésus lui-même va rencontrer une femme samaritaine, n'est-ce pas? Il va lui parler. Si dans Jean, je ne sais pas si tu as lu Jean chapitre dans le livre de Jean. Si tu n'as pas encore lu, on regarde ensemble. Pour voir que Jésus. Oui, allons dans Jean. Je vais lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Donc, je vais noter Jean chapitre 4. Donc, tu vas lire le verset 1 jusqu'au dernier verset. Donc, je lis rapidement à un moment donné là maintenant. Je vais lire à partir du verset 4. Oui. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc Jésus était resté à côté du puits seul. Oui, oui. La Bible déclare, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Après, dit, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc tu vois effectivement que, effectivement, ici nous voyons que jusqu'à rencontrer une samaritaine, pourtant le même Jésus a dit que n'allez pas chez les samaritains. N'allez pas chez les samaritains. Donc oui, effectivement, je comprends, je comprends. Voilà. Donc la Bible, il faut lire la Bible en entier. En entier. Donc, mais pas seulement écouter les versets. Voilà, c'est pour ça que mon cher Ousmane, j'invite les gens comme toi, comme ça, à rechercher la vérité. C'est pour ça que j'ai aimé l'approche avec laquelle tu es venu vers moi pour comprendre la vérité. Merci, il n'y a pas de la guerre des religions entre les chrétiens et les musulmans et autres là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes vertus du côté de l'islam et que le Coran prône. Mais il ne s'agit pas seulement de connaître ces vertus. Il faut connaître quelque chose pour le salut de ton âme. Il faut être sûr que si tu es sauvé, oui ou non. Non, c'est ça. Comment donc expliquer que Jésus lui-même qui a interdit aux gens d'aller au chez les Samaritains a interdit de causer avec un Samaritain ici? Tu avais un Samaritain. Maintenant, tu vas remarquer que si tu lis tout le verset, tu vas remarquer qu'à un moment donné, quand Jésus va lui parler d'aller appeler son mari, elle va dire qu'elle n'a pas de mari. Jésus va dire oui, en fait, tu dis vrai parce que tu as 5 maris. Jésus va lui dire, la femme sera étonnée, va dire que mais comment tu dis ces choses? Comment elle peut se connaître ces choses-là? Et elle a compris que celui qui était devant lui était un prophète. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Jésus va leur dire à la femme que va apporte, appelle-moi ton mari. Je vais continuer verset 15 rapidement. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Parce que Jésus connaissait quel était son problème. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. La femme connaissait que celui c'était un juif, il n'est pas avec dans sa ville, donc il doit être prophète pour connaître toutes ces choses-là. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Tu vois un petit que les juifs avaient une pensée que c'est eux seulement qui ont Dieu, c'est eux seulement qui connaissent Dieu. Et ils avaient raison juste à un moment donné. Et pendant ce temps, les Samaritains aussi disaient que non, nous nous adorons ici. Je continue la lecture. Femme, et c'est la parole de Jésus-Christ qui va nous donner vraiment quelle était sa mission. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est sorti de la bouche de Jésus. Donc, il veut par là dire que normalement, les gens qui adoraient vraiment Dieu, c'était les Juifs. Oui, mais les gens samaritains adoraient parce que normalement, les samaritains mélangeaient Dieu et les autres idoles, ils associaient. Verset suivant dit, le verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc cette femme se connaissait que quand il y a un moment donné où le Messie va venir nous donner clairement comment il faut adorer. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Oui. Jésus lui a dit donc qu'il est ce Messie dont il est censé parler. Est-ce que tu comprends? Mais la parole de Jésus, il dit quoi? Jésus dit ici, notre Seigneur Jésus qui dit ici que l'heure vient et elle est déjà venue. Donc quand il est là, c'est une nouvelle ère qui a été inaugurée. Où Dieu veut que les gens l'adorent en esprit. Donc, les rituels qu'on versait, les sangs, ainsi de suite, là, étaient terminés. Verset 27 dit, là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Souviens-toi que la femme était samaritaine. S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger parce qu'ils étaient rentrés de la ville avec les vivres. Disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ parlait des gens qui devaient pécher pour Dieu maintenant. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39, maintenant suivez bien le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a tout dit de ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, Il le priait de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Oui. Monsieur Ousmane. Oui, oui, la Bible nous dit que Jésus-Christ est resté dans quelle ville? Pendant 2 jours. Dans la ville samaritaine. Hein? Et on a dit que plusieurs personnes crient en lui, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Voilà. Verset 41 dit, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Alors maintenant, tu comprends pourquoi j'ai intitulé cet enseignement Abdelmadjid Amadou, n'est-ce pas? C'est clair. Okay. Bon, ok, merci beaucoup parce que si j'ai encore des difficultés, je vais vous appeler pour vous poser le problème. Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas dire que quand je suis musulman, ma religion est parfaite. Il faut seulement faire les recherches comme ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous invite aussi à suivre vraiment tous ces enseignements-là doucement que je poste sur YouTube. D'accord, mon cher? Ok, merci, pasteur. Merci. Et voilà, maintenant que le Seigneur vous bénisse, je prie qu'il vous conduise dans la vérité. Et la prochaine fois, en appelant, il faut que vous ayez votre Bible devant vous. Oui, merci, oui, pasteur. Est-ce que vous voudrez que notre conversation soit publiée aussi sur Internet aussi? Oui, si vous le voulez, pasteur, oui. Ok, que le Seigneur vous bénisse alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bonne journée, pasteur. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup.